Je dédicace ce texte à toutes les personnes qui ont perdu un être cher, mais aussi à tous les êtres chers qu'on a perdus, qu'on reverra un jour. La mort d'un proche, c'est ce qui m'a fait vivre le calvaire. Des émotions qui nous accrochent, trop dur de s'en défaire. J'ai essayé de comprendre, d'attendre que cette douleur dans le cœur cesse de se répandre. Et j'ai vécu ce drame, je l'ai caché en jouant à l'extérieur. Tu ne vois jamais mes larmes, car elles coulent à l'intérieur. J'en suis venu à espérer qu'ils reviennent des cieux. C'est beau de rêver, alors je rêvais d'une faveur de Dieu. Et je me rappelle de cette journée, il faisait un temps radieux. On ne s'était pas beaucoup parlé, je ne pensais pas lui dire adieu. Ça lui est tombé dessus, sans qu'il ne puisse l'éviter, sans qu'il ne puisse avoir la chance de se défendre et de lutter. Une rupture d'anévrisme, tu sais, ça ne pardonne pas. Il ne peut que subir, la mort lui laisse pas le choix. Bref, quand j'ai appris la nouvelle, je n'avais pas réalisé. Je me disais quel mauvais rêve, et je voulais me réveiller. Il s'est installé un vide, quand l'accident est survenu. Mon âme est devenue aride, quand le malheur s'est abattu. Dans l'église, j'ai vu tout ce monde, toutes ces personnes rassemblées. J'ai vu ma mère pleurer, et mon frère s'écrouler. On subit un changement radical, ce n'est pas la même vie, sans réconfort familial, on ne supporte pas la tragédie. Ils étaient là pour me soutenir. Je dis merci à tous mes proches. Grâce à eux, je ne craque pas. Grâce à eux, je m'accroche. La vie impose des sacrifices, mais nous devons rester forts. Parfois, c'est un vrai supplice, mais ce qui reste, on le réconfort. Alors, profite d'eux à fond pour ne pas avoir de remords. Alors, je profite d'eux à fond avant que ne revienne la mort. Je ne peux pas m'arrêter, m'empêcher d'y penser. Après 6 ans écoulés, cette douleur est restée gravée. Mais j'ai tout fait pour la cacher. Je ne voulais pas de pitié, de voir le regard des autres radicalement changer. J'éprouve de la tristesse, et ça me fait encore mal. À travers ce texte, je passe enfin au confessionnal. Je ne pouvais pas verser de larmes, et je voulais faire un carnage. Dans mon cœur sonne une alarme, mais je garde l'animal en cage. Besoin de me défouler, tant de peine à évacuer. J'étais un ado confronté à cette dure réalité. Un ado qui se pose des questions, est-ce que tout ça a un sens. Il retient son émotion, il souffre en silence. Il vous dira que tout va bien, seulement il a perdu son père. Il montre peu son chagrin et cache beaucoup de colère. Il repense à ce qu'ils ont fait, il voudrait que le temps s'arrête. Et à ce qu'ils feront jamais, ces images bloquées dans sa tête. Ça me fout la rage tous ces instants que mon père va manquer. Il ne verra pas mon mariage, ne me verra jamais diplômé. Ça me foutra la rage quand mes enfants vont me demander qui est cet homme en image, c'est votre grand-père décédé. Je ne souhaite à personne d'avoir à affronter le deuil, de savoir un être si cher enfermé dans un cercueil. Même si on pense que ce sont les anges du ciel qu'il recueille, on ne peut pas s'empêcher de garder une larme à l'œil. La vie impose des sacrifices, mais nous devons rester forts. Parfois c'est un vrai supplice, mais ce qui reste, on le réconfort. Alors profite d'eux à fond pour ne pas avoir de remords. Alors je profite d'eux à fond avant que ne revienne la mort. Tu peux comprendre maintenant, à partir de mon témoignage, que quelques personnes me font pitié avec leur langage. Je ne supporte pas ces ados qui agissent comme des salauds, qui méprisent leurs parents, qui leur ont fait le plus beau des cadeaux. Et je ne supporte pas ces cons qui appliquent un sale vocabulaire. Quoi tu dis fils de pute, mais qu'est-ce qu'elle en pense ta mère? Pour ma part, j'ai appris à me rattacher aux êtres chers, à la famille et aux amis. C'est une raison de rester sur terre, de rester sur terre pour continuer notre histoire. Honorer notre défunt, qu'il reste en vie dans notre mémoire. Dans un sens, il vit encore à travers les gènes de mon frère, à travers les miens dans nos esprits et dans le cœur de ma mère. Et maintenant papa, je t'adresse ces quelques mots. J'espère que tu les entendras d'où tu es tout là-haut. Depuis que tu n'es plus là, je n'ai toujours pas fait les bons choix. Mais sache que j'ai fait mon possible pour garder l'esprit droit tel que tu me vois. J'espère que tu es fier de moi. Papa, je te le promets, un jour on se reverra. Un accident est si vite arrivé, croisant mon expérience, cela peut vite se passer, et t'en pleures les conséquences. Alors profite de chaque instant avec tes enfants ou tes parents, car la vie m'a prouvé que la mort peut te les prendre à tout moment. La vie impose des sacrifices, mais nous devons rester forts. Parfois c'est un vrai supplice, mais ce qui reste, on le réconfort. Alors profite d'eux à fond pour ne pas avoir de remords. Alors je profite d'eux à fond avant que ne revienne la mort. C'est quand on a perdu un être cher qu'on se rend compte de l'importance qu'il avait à nos yeux. Seulement, à ce moment-là, il est trop tard. Alors ne passe pas ton temps à te brouiller avec la famille ou les amis. En vérité, c'est la seule richesse qu'on a sur cette terre. Ne l'oublie jamais. Lyrics, à tout moment.